إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 37 dans l'explication du résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence un nouveau chapitre, le chapitre numéro 27 dans Kitab al-Tawhid, qui s'intitule Babun ma ja'a fi al-Nushra. Ma ja'a fi al-Nushra. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est al-Nushra. Et on va expliquer qu'est-ce que des ulama ont mentionné à ce sujet-là. Puis on va expliquer, clarifier l'affaire, inshallah. Donc, An-Nushra, si on peut résumer, on peut clarifier ça en disant que An-Nushra, c'est d'utiliser la sorcellerie pour guérir ou enlever à quelqu'un la sorcellerie. Et d'utiliser de la sorcellerie pour enlever un sort ou enlever de la sorcellerie ou des choses de ce genre, ça rentre dans la sorcellerie elle-même. Donc ça a le même verdict que le verdict de la sorcellerie. Donc celui qui utilise du sihr pour enlever le sihr, eh bien il a le même verdict que le sahir. Il a le même verdict que le sahir. Ça veut dire qu'il est un sorcier lui aussi, même s'il prétend qu'il l'utilise seulement pour enlever les mauvais sorts ou enlever les sorts. Et donc si on commençait à permettre la sorcellerie soi-disant dans le but d'éliminer ou d'enlever la sorcellerie, ça serait une porte ouverte pour apprendre le sihr. Hein? Et donc ça, c'est bien entendu que ça, c'est interdit. Mais ça, c'est pour résumer en gros qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Puis on va maintenant détailler en lisant les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les paroles du Cheikh Al-Fawzan au sujet de ces paroles-là. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit donc عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. Donc le Cheikh il mentionne donc cette parole de Jabir qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de An-Nushra. Et il a dit, ça fait partie du travail du shaytan, ça fait partie des actions du shaytan. Il a dit donc à propos de An-Nushra que ça fait partie des actions du shaytan. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, c'est rapporté par Ahmad avec une chaîne qui est bonne, avec une chaîne de transmission qui est bonne, et Abu Daoud également, et il dit, wa Abu Daoud, wa qal, Abu Daoud, on lui a, Abu Daoud a rapporté, qu'il a dit, ça a été rapporté par Abu Daoud, qu'il a dit que l'imam Ahmad a été questionné au sujet de An-Nushra, et il a répondu en disant que Ibn Mas'ud détestait tout ça. Ibn Mas'ud détestait tout cela. Donc, Abu Daoud a rapporté la parole de l'imam Ahmed à ce sujet-là, en disant que l'imam Ahmed détestait tout ce qui a rapport avec An-Nushra. Maintenant, pour expliquer le tahrij de ce hadith et de cette parole, bon, le hadith, il est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, Bab al-Nushra, et c'est le hadith 3868. Et il est également rapporté dans Sunan al-Bayhaqi, et c'est le hadith 19397. Et il est également rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad, et c'est le hadith 14167. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit dans Sunan, dans Sahih Sunan Abu Dawud, qu'il est Sahih, et il a référé à Al-Mishkat, Mishkat Al-Masabih, le hadith numéro 4553. Naam. Donc ça c'est à propos de, du tahrij du hadith. Et en ce qui concerne la parole de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est rapportée par Abu Daoud, que l'imam Ahmad a rapporté ou a mentionné, donc ça c'est la référence à ce sujet-là, c'est dans Al-Adab al-Shar'iyya, Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih al-Hanbali, dans le chapitre au sujet de Al-Nushra. Donc ça c'est ce qu'on peut dire à propos de ce hadith et de cette parole attribuée à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ensuite, donc on continue l'explication maintenant en lisant les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit « Munasabatul bab li kitab al-tawhid » Donc, dans quelle occasion on mentionne, on a mentionné ces paroles au sujet de Kitab al-Tawhid. Pourquoi on a mentionné ce chapitre-là dans Kitab al-Tawhid? Le Cheikh al-Fawzan dit « Lama dhakar al-musannif hukm al-sihr wal-kahana dhakara fi hadha al-bab ma ja'a fi al-nushra li'annaha qad takunu min qibali al-shayatini wal-sahara fatakunu mudaddatan lil-tawhid » والنشرة النشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خمره من الداء أي يكشف ويزال. نعم. Donc le Cheikh explique que en quelle occasion donc on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, pourquoi? Et pourquoi à cet endroit? Et le Cheikh explique que lorsqu'on a, étant donné qu'on a mentionné dans les chapitres précédents le verdict au sujet de la sorcellerie et au sujet de la voyance, maintenant le Cheikh il a voulu rajouter ce chapitre au sujet de An-Nushra, parce que An-Nushra peut être peut venir de la part des shayatines et de la part des sorciers, et dans ce cas là c'est quelque chose qui s'oppose au tawhid. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au tout début, An-Nushra, c'est la définition générale, c'est d'utiliser la sorcellerie pour guérir la sorcellerie. Dans ce cas-là, ça c'est shirk. Et ça rentre dans le sihr. Toutefois, si quelqu'un utilise le terme Nushra dans le sens de la ruqya shar'iyya qui est en accord avec la sharia, ou dans le sens de qu'est-ce qui est en accord avec l'islam, dans le sens qu'il n'utilise pas le sihr pour faire An-Nushra, il utilise les versets de Coran et il utilise les du'as qui sont dans la sunna authentique, dans ce cas-là, c'est permis. Mais s'il utilise le sihr, dans ce cas-là, c'est shirk et c'est kufr. Et c'est pour ça que le shaykh ici, il explique que si on fait An-Nushra et que c'est basé sur le sihr, dans ce cas-là, c'est contraire au tawhid et ça fait partie des actions des shayatin et des sorciers. Et il donne la définition du mot An-Nushra en arabe. An-Nushra, il dit, c'est une sorte de guérison ou de remède, et une sorte de ruqya également. Donc ça peut être la ruqya qui est en effet à partir des incantations de sihr, des choses comme ça, ou bien ça peut être dans le cas où quelqu'un le ferait avec des versets de Coran ou avec des hadiths, des du'as qui sont mentionnés dans les hadiths de la sunna authentique. Donc comme on a expliqué, si c'est dans la sunna et dans le Coran et qu'on le fait selon la sharia, dans ce cas là c'est correct. Mais si c'est fait avec des incantations de sihr et avec des trucs de ce genre qu'on invoque les djinns ou des choses comme ça ou les shayatins, dans ce cas-là ça c'est haram et c'est du shirk, hein, c'est en opposition avec le tawhid. Donc il dit le shirk à ce sujet-là que c'est une sorte de remède, hein, et une forme de ruqya qu'on utilise pour guérir la personne qu'on croit être atteint ou touché par une sorcellerie ou un sort. Et on l'appelle de cette manière, pourquoi? Parce que An-Nushra, c'est quelque chose qui fait sortir qu'est-ce qui est caché comme maladie ou comme malaise ou comme sort chez cette personne. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça dévoile en réalité, ça fait sortir la réalité du problème que la personne a en elle-même et ça l'élimine. Donc c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle An-Nushra. Et le cheikh explique donc le hadith maintenant. Su'ila an al-nushra ay an-nushra allati kana ahlul jahiliyyati ya'malunaha. Fa qala hiya min 'amal ash-shaytan li'annahum yanshuruna 'an al-mashhur bi anwa'in min as-sihr wa istikhdamat shaytaniyya. Donc on a demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de An-Nushra, c'est-à-dire, le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens de la Jahiliyyah faisaient pour essayer de guérir les gens contre les sorts. Donc avant l'islam, chez les Arabes, quand quelqu'un était touché par un sort ou par de la sorcellerie, ils utilisaient des méthodes pour s'en guérir. Et encore aujourd'hui, dans des pays non musulmans, hein, et même parfois dans certains pays musulmans, il faut comprendre que avant l'islam, ces gens-là, ils connaissaient la sorcellerie, ou bien que avant que l'islam entre dans ces pays-là, ils avaient des sorciers et des guérisseurs qui utilisaient du sihr pour guérir la sorcellerie aussi. Et donc, les gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il y a des gens qui utilisaient donc toutes sortes de sihr aussi pour guérir quelqu'un qui était atteint d'un mauvais sort. Et le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que ça fait partie des actions du shaitan. Donc An-Nushra, hein, qu'est-ce qu'ils font, c'est en fait de faire sortir qu'est-ce qu'il y a la personne qui a, faire sortir en la personne qui a été ensorcelée la sorcellerie qui l'a atteint et le sort qui l'a atteint, yani par des différentes sortes de sihr et en utilisant les shayatines et toutes sortes de méthodes diaboliques. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça fait partie des actions du shaitan. Et ensuite, il dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit, donc c'est rapporté que Abu Daoud, l'imam Abu Daoud dit que l'imam Ahmad a dit à propos de ça, des paroles du sahabi Abdullah ibn Mas'ud, qu'il détestait tout cela. Donc le cheikh il dit ay an-nushra allati hiya min 'amal ash-shaytan, c'est-à-dire quand il dit qu'il détestait tout cela, hein, c'est-à-dire l'an-nushra qui fait partie des actions du shaitan. Donc il détestait tout cela. والمعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه فأجاب الحمد لله نعم. Donc le cheikh il dit فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل من عمل الشيطان بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. Donc le cheikh il dit que la signification du hadith en général, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du fait de guérir ou de d'essayer de guérir une personne qui a été ensorcelée par différents sorts. et c'est de le guérir par la méthode qui est employée par les gens de la Jahiliya. Et quel est le verdict d'employer ces méthodes-là, c'est-à-dire les méthodes pré-islamiques, hein, les méthodes que les mouchriquins utilisaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce sujet-là en disant que qu'est-ce que ces gens-là faisaient comme méthode pour guérir de la sorcellerie? Ça fait partie des actions du shaitan, du travail du shaitan. Ou bien c'est fait par l'intermédiaire du shaitan. Et donc, dans ce cas-là, ça fait partie des différentes sortes de sihr, différentes sortes de sorcellerie et des différentes utilisations des shayatin. Et donc, dans ce cas-là, al-nushra, c'est quelque chose qui rentre dans le shirk et quelque chose qui est interdit. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. Donc l'occasion pour laquelle on a mentionné cela dans ce chapitre, pourquoi on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que il indique l'interdiction de النشرة. Et il indique que c'est quelque chose qui fait partie des actions des shayatin, des diables, et que ça fait partie donc quand on dit on parle de al-nushra qui était pratiquée avant l'islam dans la jahiliya, la nushra que les kuffar et les mushrikin faisaient. Donc si quelqu'un aujourd'hui essaie de guérir quelqu'un qui a été ensorcelé ou qui a eu un sort, essaie de le guérir en utilisant du sihr ou en utilisant les shayatin, alors dans ce cas-là, il a commis un acte de shirk et il a opposé le tawhid. Il a quitté l'islam en faisant ça, puisque on n'a pas le droit d'utiliser le sihr ni pour donner un sort à quelqu'un ni pour le guérir de ce sort. Et parce qu'il y en a des fois des gens même qui se prétendent parmi les gens qui prétendent faire la ruqya. Et ils font certains rituels comme ça. Ils disent aux gens, celui qui t'a jeté le sort, c'est un tel et un tel, et voici ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Et tu lui demandes, mais comment t'as fait pour savoir? Qui t'a dit ça? Comment t'as su ça? Supposément. Puis là, il va dire, par exemple, ah, ça c'est un djinn qui m'a informé de ça. C'est un bon djinn. Comme on a expliqué hier, c'est pas permis de croire les djinns, et c'est pas permis de rentrer en contact avec eux et de leur prendre leur service ou des choses de ce genre. Donc c'est pas permis de faire ça. Et ceux qui utilisent les djinns pour faire la ruqya ou des choses comme ça, c'est des sahar, ça rentre dans le hukum du sihr. Il faut pas consulter des gens comme ça qui prétendent avoir des contacts avec les djinns ou utiliser les djinns, même s'ils prétendent que ce sont des bons djinns. Puisqu'on ne peut pas croire les djinns, on ne peut pas les faire confiance. Et on ne peut pas croire puisqu'on les voit pas. Et on ne peut pas vérifier qu'est-ce qu'ils prétendent. S'ils nous disent je suis musulman, il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. On ne sait même pas s'ils prient, s'ils ne prient pas. Il fait juste dire ça avec sa bouche. Et ils mentent. Et ils mentent, donc on ne peut pas leur faire confiance. Donc ensuite, il y a beaucoup de fatwas des ulamas en passant sur ce sujet-là. Et certains ont essayé de rapporter des paroles de certains ulamas pour essayer de dire que ce serait correct de prendre le service des bons djinns. Mais les ulamas, les muhakkikin, les vérificateurs, ils ont réfuté ces paroles-là, ils ont clarifié ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier l'information. Donc il y a des fatwas là-dessus. Puis peut-être qu'on les lira en temps voulu, Inch'Allah, ou lorsqu'on aura l'occasion, Inch'Allah. Donc ensuite, le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Ma yustafad min al-hadith, awwalan, an-nahyu 'an an-nushra على الصفة التي تعملها الجاهلية لأنها سحر والسحر كفر. Donc le cheikh dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, l'interdiction de qu'est-ce qui s'appelle al-nushra quand c'est fait à la manière déjà de la jahiliya. Pourquoi? Parce que c'est une forme de sihr, c'est une forme de sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est kufr, c'est une forme de mécréance. Deuxièmement, مشروعيه سؤال العلماء عما اشكل حكمه حذرا من الوقوع في المحذور. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a la permission de demander aux ulama, il y a la preuve que c'est permis de demander aux ulama au sujet des choses qui sont compliquées. Donc, c'est des choses qui sont difficiles ou compliquées à comprendre, des choses dont on n'a pas facilité à comprendre leur verdict. Donc c'est légiféré dans l'islam de poser les questions aux ulama dans des cas comme ça et dans des choses qui ont rapport avec ces choses-là. Et ça c'est bien entendu dans le but d'éviter de tomber dans ce qui est interdit. Donc il faut toujours retourner aux ulama pour leur poser la question. Ensuite, le cheikh il dit, il mentionne la suite de ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. Il dit wa fil Bukhari an Qatada qultu l'ibn al-Musayyib rajulun bihi tib aw yu'akhadhu an imra'atihi ايحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر لا يحل السحر الا ساحر وقال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان الأول حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة فهذا جائز. Donc le cheikh il mentionne ensuite que l'imam al-Bukhari rahimahullah il a mentionné selon Qatada, il a dit à l'imam ibn al-Musayyib, un homme on lui a fait du sihr, ou bien on l'a séparé de sa femme. En faisant du sihr de la sorte qu'il n'est plus capable d'avoir des rapports sexuels avec sa femme à cause du sihr qu'on lui a fait. Qatada il a dit, j'ai dit à Ibn al-Musayyib, il y a un homme qui a été frappé par un sort, un mauvais sort, et ou bien il a été empêché d'avoir des rapports sexuels avec sa femme par de la sorcellerie. Donc, est-ce qu'on peut lui enlever cette sorcellerie-là, lui retirer cette sorcellerie-là par un moyen quelconque? Et donc, dans I'anatul Mustafid, je suis retourné pour vérifier ici la clarification. Rajulun bihi tib. Yani, qala tib ma'nahu as-sihr. Donc, c'est ça. Donc, rajulun bihi tibun. Donc, tib ici, dans cette parole, ça signifie السحر. Okay. Et donc ensuite qu'est-ce qu'il dit? يقال مطبوب يعني مسحور. Quand on dit quelqu'un qu'il est مطبوب, on dit qu'il est مسحور. قالوا هذا من باب التفاؤل. Donc il dit لأن الطب معناه العلاج. Donc c'est ça. Il l'appelle الطب. Et il l'appelle matboub, la personne qui est ensorcelée, on l'appelle matboub, puis on appelle la sorcellerie tib. Pourquoi? Yani parce que ça donne un bon présage. C'est de bon augure d'utiliser le terme tib au lieu d'utiliser le terme sihr. Pourquoi? Parce que at-tib ça veut dire la guérison. Hein? Et matboub ça veut dire celui qui a été guéri. au lieu de dire mashour, puisque c'est un peu négatif ou une mauvaise augure. Donc, utiliser un terme qui amène de l'optimisme et qui amène de l'espoir de guérison à la personne qui a été ensorcelée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on appelle at-tib, on appelle as-sihr par le terme, on le désigne par le terme tib. Et le mashour, celui qui est ensorcelé, on l'appelle matboub dans ce sens-là. Comme le Cheikh Al-Fawzan il dit dans I'anatul Mustafid, il dit hada min bab at-tafa'ul. Et il dit la même chose, il dit kama yaquluna lil-ladir as-salim ou salim. Min bab at-tafa'ul bish-shifa. Donc on dit par exemple à propos de la personne qui a été mordue par un serpent ou un scorpion ou quelque chose comme ça, qu'on dit salim, au lieu de dire ladir, on dit salim. Salim, ça veut dire quelqu'un qui est qui est correct, qui n'est pas malade, qui n'a pas été mordu. Donc pourquoi? Pour donner une bonne augure que la personne va guérir. Aynam ou yu'akhadh an imra'atihi, yu'akhadh ma'nahu yumna'u an jima' imra'atihi fala yastati'u jima'aha bisabab as-sihr. Donc ça, c'est une sorte de sorcellerie. Donc il dit, un homme a été ensorcelé ou bien il a été empêché d'approcher sa femme. Dans le sens que c'est une sorte de sorcellerie que parfois certains font pour que la personne soit plus capable d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Hein? Ça, c'est une sorte de sorcellerie aussi. Ayuhallu anhu ou yunshar. Yuhallu wa yunshar bima'nan wahid. يعني هل يجوز أن يحل هذا المتبوب أو هذا المؤخذ أو هذا المؤخذ ما أصابه؟ Donc est-ce que c'est permis d'enlever ou de retirer le sort qui a été mis sur cette personne qui a été ensorcelée ou qui a été atteint par le sort qui l'empêche d'avoir des rapports avec sa femme? Et il a répondu, l'imam Ibn al-Musayyib, qui est un des imams parmi les grands imams, parmi les grands ulama des tabi'in, et un des sept fuqaha, vers lesquels on retournait pour avoir la fatwa à son époque, et c'était le grand savant de la ville de Médine et le faqih parmi les grands fuqaha, donc Ibn al-Musayyib, Saïd Ibn al-Musayyib, un des grands ulama des salafs. Donc il a répondu en disant, il n'y a pas de problème avec ça, les gens qui font ça, ils veulent uniquement faire le bien, c'est-à-dire ceux qui veulent enlever la sorcellerie de cette personne. Donc qu'est-ce qui est bénéfique? On ne l'interdit pas, ça n'a pas été interdit. Qu'est-ce qui est bénéfique? Ça n'a pas été interdit. Donc ça, c'est la première citation ou première parole des salafs à ce sujet, parce qu'il y a des paroles qui paraissent contradictoires ou qui peuvent paraître contradictoires dans les paroles des salafs à ce sujet-là. Et donc l'imam al-Bukhari, il les a cités pour montrer qu'est-ce qui a été rapporté de la part des salafs à ce sujet. Et donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, il dit وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لَا يُحَلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ, c'est-à-dire personne ne peut retirer la sorcellerie excepté un sorcier. Hein? Personne n'enlève la sorcellerie excepté un sorcier. Donc, ça c'est la deuxième parole qui a été citée par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, quand il l'explique, donc il dit que Al-Hassan ici, c'est Al-Hassan al-Basri, un des grands ulama parmi les tabi'in, et yani, c'est quelqu'un qui était connu parmi les grands ulama parmi les tabi'in pour son fiqh, sa compréhension, sa science, sa piété et son adoration. Et il a dit quoi? Il a dit la yuhallu ou la yahullu sihr illa sahir. Personne ne peut retirer la sorcellerie excepté un sorcier. Il dit هذا يتفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود ويختلف مع قول ابن المسيب. Donc il a dit ça c'est en accord avec le hadith Et ça, c'est en accord avec la parole de Abdullah ibn Mas'ud, que personne ne peut enlever la sorcellerie, ou nul n'enlève la sorcellerie, excepté un sorcier. Donc ça, c'est des paroles qui... comme, donc la parole de Ibn al-Musayyib, Saïd ibn al-Musayyib, elle pourrait paraître en contradiction avec le hadith. Et elle pourrait paraître être en contradiction avec la parole de Ibn Mas'ud et de Al-Hassan al-Basri. Donc, maintenant, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui clarifient la situation, qui expliquent les choses pour aider à comprendre cette apparente contradiction. Le cheikh, il dit, « Wa qala Ibn al-Qayyim, al-Nushra, حل السحر عن المسحور وهي نوعان الأول حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان. Donc il dit Ibn al-Qayyim que An-Nushra c'est de retirer le sort ou le mauvais sort qui a été jeté sur la personne qui a été ensorcelée. Et An-Nushra elle est de deux catégories. Donc d'enlever ou de guérir quelqu'un de mauvais sort, c'est de deux catégories, il y a deux catégories de Nushra. La première catégorie, c'est de retirer la sorcellerie par une sorcellerie semblable ou équivalente. Et ça, c'est le travail du shaitan. Donc, cette première définition-là qui est donnée, cette première catégorie de Nushra, c'est sur ça qu'on applique le hadith. Et ça rentre dans la définition du hadith. Et ça rentre également dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud et de la parole de Al-Hassan al-Basri. Donc quand on parle de cette catégorie-là, hein, donc c'est de cette catégorie-là que parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de cette catégorie-là que parlait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu et Al-Hassan al-Basri quand ils ont mentionné que ce sont des choses qui font partie du sihr et que ce sont des choses mauvaises. C'est d'enlever le sihr par un sihr semblable. Et il dit que ça fait partie, donc Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit que ça fait partie du travail du shaitan ou des actions du shaitan. Et c'est sur cette définition-là qu'on doit comprendre la parole de Al-Hassan al-Basri qu'on a lu. Parce que la personne qui fait un nushra, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne qui veut essayer de guérir la personne ensorcelée et la personne qui est ensorcelée, ils vont se rapprocher du shaitan en faisant quelque chose qui plaît au shaitan pour lui demander d'annuler son sort ou la sorcellerie qu'il a faite. Donc, en fait, c'est pour dire que la personne qui est ensorcelée, qui va voir un sorcier, qui lui demande de l'aider ou de le guérir de cette sorcellerie-là, en réalité, c'est qu'ils vont tous les deux avoir recours au shaitan, hein, pour faire que le shaitan enlève ce sort qui a atteint la personne qui est ensorcelée. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il explique ici le shirk, c'est ça. C'est que ils sont obligés donc de faire un acte que le shaitan va aimer, et ça c'est un acte de shirk ou un acte de kufr ou de blasphème ou de sacrilège, des choses qui sont en contradiction avec le tawhid. Et lorsque la personne a fait ça, eh bien le shaitan enlève le sort qu'il a mis sur cette personne, enlève le sihr. Donc ça c'est une forme de sihr. Et donc c'est pour cette raison-là que la personne qui enlève le sihr part du sihr, alors dans ce cas-là, hein, il a le même verdict que le sahir, il a le même verdict que le sorcier. Et la personne qui va voir cette personne qui fait le sihr pour enlever le sihr, eh bien il a le même verdict aussi. C'est comme s'il a eu recours au sihr aussi. Donc il faut faire attention, comme on a dit tout à l'heure, aux gens qui se présentent comme étant des gens qui font la ruqya, et ou bien qui utilisent des moyens soi-disant qui sont qui eux ils veulent faire croire aux gens que ce sont des moyens qui ont un lien avec l'islam pour guérir de la sorcellerie ou des choses comme ça, alors qu'en réalité ils ont recours aux sorciers. et il te donne des informations sur des choses qui sont inconnues ou qui font partie du raïb. Alors, à partir de ce moment-là, tu peux savoir que ces gens-là font du travail avec le shaitan. Et la deuxième définition, c'est le cheikh il dit وَالثَّانِي النُّشْرَى بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّزَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَ فَهَذَا جَائِزٌ. Donc la deuxième, c'est la définition qui dit que c'est de faire des ruqya et de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et d'utiliser des remèdes et des du'as qui sont permis en islam, alors qu'ils sont en accord avec la charia. Dans ce cas-là, c'est permis de faire un nushra si c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est la parole de Saïd ibn al-Musayyib. Quand Saïd ibn al-Musayyib a dit que ça c'est correct, il parlait de cette deuxième définition de An-Nushra. Hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans les paroles à ce sujet. Ok, donc, Naam, maintenant, juste un petit point que je veux mentionner. Attendez juste un instant. Naam. Donc, au sujet de la parole de Jabir qui rapportait, pas de Jabir, au sujet de la parole de Qatada qui mentionne les paroles de Saïd ibn al-Musayyib dans Sahih al-Bukhari, le Cheikh il dit dans le Tahrij, أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا, ça c'est dans un autre Tahrij, pas dans le Tahrij d'Al-Mulakhas, mais c'est un autre Tahrij de Kitab al-Tawhid. Il dit أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر وقال الشيخ الوليد ألف فريان وصله ابن جرير الطبري في التهذيب والأثرم في السنن كما في تغليق التعليق بإسناد صحيح. نعم. Donc cette parole de Qatada, elle est rapportée dans le Bukhari. Sauf ça fait partie des mu'allaqat. C'est rapporté ta'liqan. C'est ta'liqan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie de ce que l'imam al-Bukhari a rapporté sans la chaîne de transmission. Donc l'imam al-Bukhari, parfois quand il écrit un titre, dans son titre, il met des paroles. Soit des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des paroles des sahaba ou des tabi'in, mais ils ne mentionnent pas la chaîne de transmission. Donc c'est ce qu'on appelle qu'est-ce qui est transmis mu'allaqan. Toutefois, la majorité de qu'est-ce qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari comme étant mu'allaq, il est sahih. En général, c'est sahih. Justement, il y a un livre qui a été écrit par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui s'appelle Tahliq al-Ta'liq. Et dans ce livre-là, il ramène toutes les chaînes de transmission des hadiths et des paroles qui sont rapportées comme mu'allaq par l'imam al-Bukhari dans son dans son sahih. Donc tous les hadiths mu'allaq sont tous rapportés avec leur chaîne dans le livre de Ibn Hajar dans Taghliq al-Ta'liq. Donc cette parole, elle est authentique. De même que la parole de dans la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, la parole de l'imam Ibn al-Qayyim et la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, la parole de Al-Hasan al-Basri. La parole de Al-Hasan al-Basri, elle est rapportée dans At-Tabari, dans At-Tahdhib. Akhrajahu Ibn Jarir At-Tabari fi At-Tahdhib. Et en ce qui concerne, ah oui, c'est ça. Et la parole également, elle est dans Fath al-Bari. De la parole de Al-Hasan al-Basri, elle est aussi dans Fath al-Bari, le volume 10 à la page 233. En ce qui concerne la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est dans Zad al-Ma'ad et dans Al-Adab al-Shar'iyya. Et l'imam, le docteur Al-Farayan, il dit qu'il l'a retrouvé dans son sens. et non textuellement. Donc il a retrouvé cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans sa signification, mais pas écrit tel quel dans sa dans son de façon textuelle. Donc ça c'est à ce sujet-là. Maintenant on va lire les paroles de l'imam de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? Il dit ترجمة قتادة قتادة وهو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة من أحفظ التابعين مات سنة مات سنة بضع عشرة ومئة. Et non. Donc il dit que la tarjama de Qatada, Qatada sa biographie c'est, son nom c'est en fait c'est Qatada ibn Da'ama al-Sadousi al-Basri, il est de Basra, hein. Il est fiqa, il est fiable, et il fait partie des tabi'in qui mémorisent le plus de hadith, et il est décédé en l'an 110 et quelques années. Il y en a 110 ou entre 110 et 115 ou quelque chose comme ça. Ensuite, il dit wabihi tib, donc il explique la parole de tib que ça veut dire ay bi kasrat ta ay sihr kannu anhu tafa'ulan kannu anhu bi tib tafa'ulan. Donc comme on a expliqué, At-tib c'est as-sihr ici. Il l'appelle tib pour donner un bon espoir, un bon augure à la personne qui est atteinte du sihr. Wa yu'akhadh bima'na al-waw bi fath al-waw mahzuma wa tashdid al-kha ay yuhbas 'an imra'atihi wa la yasilu ila jama'iha. Oui, c'est ça. Donc c'est la personne qui est pris par un sort qui l'empêche de faire des rapports sexuels avec sa femme. Ensuite, il explique la réponse de l'imam Saïd ibn al-Musayyib à propos de la question, est-ce que c'est permis de lui enlever ce sort ou non? Il a dit, il n'y a pas de problème. La ba'sa bihi ay bimu'alajatihi bi umurin mubahatin lam yalid biha illa al-maslaha. Donc ça c'est dans le sens que c'est permis de le guérir en utilisant des choses qui sont permises par la charia et qui n'ont pas été rapportées excepté que avec du bienfait et mentionné avec le fait de repousser, d'être capable de repousser le mal ou qu'est-ce qui est mauvais. Donc c'est bon, c'est permis d'utiliser toute chose qui est permise par la charia pour guérir cette personne, hein, mais pas par le sihr. Donc comme on l'a expliqué, cette parole de Saïd ibn al-Musayyib c'est selon la deuxième définition qui a été donnée par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dans cette parole. Ensuite le cheikh il dit la yahillu sihr illa sahir. Ça c'est la parole de Al-Hasan al-Basri. Ay la yaqdiru ala halihi illa man ya'rifu as-sihr. C'est-à-dire personne n'est capable d'enlever ce sihr excepté yani celui qui fait le sihr aussi, celui qui connaît le sihr. Là maintenant le cheikh il explique la signification de ces deux paroles de Saïd ibn al-Musayyib et de Al-Hasan al-Basri. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit معنى الإجمال للأثرين أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضر أو الضرر ولم ينهى عما كان كذلك ومقصوده نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه أما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله وهو عمل الشيطان وفي التفصيل الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله أن العلاج أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز وعلاجه بسحر مثله محرم والله أعلم ومناسبة الأثرين للباب بيان التفصيل في حكم النشرة وبيان الجائز والممنوع منها. Donc le cheikh explique les deux paroles maintenant, celle de Ibn al-Musayyib et celle de Al-Hassan, et il dit que lorsque Ibn al-Musayyib a été questionné au sujet du verdict à propos de An-Nushra, il a répondu et il a donné la fatwa que c'était permis. Et ça c'est en prenant en considération l'objectif de faire en sorte que la personne puisse avoir le bien et être guéri de qu'est-ce qu'il a atteint comme mal, et donc dans ce cas-là c'est quelque chose qui est permis et qui n'a pas été interdite. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est d'utiliser la catégorie ou la sorte de nushra qui ne contient pas d'interdit ou qui n'est pas relié à quelque chose d'interdit par l'islam, comme par exemple d'utiliser les du'as et la ruqya par les noms d'Allah et par sa parole, par le Coran. En ce qui concerne Al-Hassan, la parole de Al-Hassan al-Basri, elle implique l'interdiction de An-Nushra, parce que quelqu'un ne peut enlever un sort à quelqu'un excepté s'il connaît lui-même le sihr. Et donc ça c'est dans ce cas-là c'est qu'on doit prendre la parole de Al-Hassan al-Basri dans le sens que il parle de guérir la sorcellerie par une sorcellerie qui est équivalente ou semblable, et ça fait partie du travail du shaitan et des actions du shaitan. Et en ce qui concerne les détails que l'imam Ibn al-Qayyim a rapporté ou a mentionné dans le but de réunir les deux paroles à ce sujet, c'est-à-dire les paroles de Ibn al-Musayyib et les paroles de Al-Hassan al-Basri, pour les réunir ensemble, il a clarifié que donc la guérison de la personne qui est ensorcelée par des remèdes qui sont permis ou par la lecture du Coran, c'est quelque chose qui est licite, qui est permis. Tandis que de le guérir par de la sorcellerie, c'est quelque chose qui est interdit. Wallahu a'lam. Et l'occasion pour laquelle le cheikh il a mentionné ces deux paroles dans ce chapitre au sujet de An-Nushra, c'est parce qu'il voulait expliquer les détails au sujet du verdict de An-Nushra, et aussi il voulait clarifier ce qui est permis de ce qui est interdit de cette forme de qu'est-ce qu'on appelle Nushra. Donc il voulait expliquer les détails au sujet du verdict de An-Nushra, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, et quand est-ce que c'est halal et quand est-ce que c'est haram, qu'est-ce qui est interdit de An-Nushra et qu'est-ce qui est permis. Donc ça vient compléter le chapitre au sujet de An-Nushra. Maintenant on passe à l'autre chapitre, le chapitre suivant, qui est bab ma ja'a fi at-tatayyur, bab ma ja'a fi at-tatayyur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des superstitions et des mauvais présages et des mauvais augures, et comment on doit qu'est-ce qu'on doit croire à ce sujet-là et comment on doit réagir à ces croyances-là. Et donc ça c'est clarifié dans ce chapitre. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre en citant deux versets. Le premier verset c'est dans Sourate Al-A'raf, le verset 131. On va le lire. Le cheikh il mentionne donc une partie de ce verset-là dans Al-A'raf. Il dit ala wa qawli Allah ta'ala ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. Ça signifie en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ça c'est la traduction. Leur sort, c'est-à-dire le mot en arabe qui est utilisé pour qu'ils ont traduit dans la traduction du Coran par leur sort, c'est ta'irukum. Donc on va expliquer, on va lire le verset au complet. Ça peut nous aider à comprendre mieux la signification. Et ça, c'est premièrement, c'est un verset qui parle de Pharaon avec Moïse. Il dit, et nous avons éprouvé, le verset 130, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Le verset 130, nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Afin qu'ils se rappellent. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ يَطَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ça signifie, et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur mauvais augure, ce qu'ils prétendent être les mauvais augures, ne dépend uniquement d'Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, quand on traduit ici, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, en fait, c'est en réalité les mauvais augures qu'ils prétendent dépendent uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas rapport avec Moïse ou avec ce qu'ils prétendent. Donc, on va lire l'explication à ce sujet. Ah oui, il y a l'autre verset aussi qui est le verset 19 dans Sourate Yassine qui dit wa qawlihi ta'ala qalu ta'irukum ma'akum a'in zukkirtum. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Donc ça c'est le verset 19 dans surat Yassine. Et le verset au complet, c'est le verset 19, ça dit, ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle, mais vous êtes des gens outranciers. Donc si on revient en avant un peu par rapport aux versets qui sont mentionnés dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 13, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Donc ça c'est le verset complet en arabe, ça dit « Donne-leur l'exemple de l'habitant de la cité. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés, deux messagers, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième. Ils dirent vraiment « Nous sommes envoyés à vous. » Mais les gens dirent, c'est-à-dire les gens, ils répondent, ils disent aux messagers, vous n'êtes que des hommes comme nous, Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Ils, les messagers, ont répondu, ils dirent, « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. » Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Les messagers ont répondu, ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. » Le mauvais présage que vous nous attribuez, en réalité, il est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Vous êtes déjà outrancier. Donc ça, c'est pour comprendre le contexte de ce verset et le lien qu'il a avec le chapitre. Donc, le cheikh, il explique donc, تمام الآية الثانية أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ensuite il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها donc le cheikh explique que étant donné que الطيرة Pourquoi il a mentionné ce chapitre, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab dans le Kitab al-Tawhid? C'est parce qu'étant donné que At-Tiyara, le mauvais présage, les mauvais augures et les superstitions, c'est une forme de shirk qui vient en opposition avec le Tawhid, ou bien parfois qui diminue la perfection du Tawhid, eh bien il a voulu clarifier ça, et donc il a mis ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid pour mettre les gens en garde vis-à-vis de cette catégorie de choses qui vient en opposition avec le tawhid. Ensuite, le cheikh il dit donc ma jaa fi at-tatayyur. Donc il explique le titre. Ma jaa fi at-tatayyur, ay des fois on dit at-tayyara, des fois on dit at-tatayyur. Les deux c'est la même signification, les deux c'est la même origine. D'accord, at-tayyara ou bien at-tatayyur. Donc ça vient de at-tayr, yani les oiseaux, ça vient du mot des oiseaux. Donc on va expliquer. Ja at-tatayyur ay min al-wa'id, ma jaa min al-wa'id wa at-tatayyur masdaru, masdaru tatayyara. At-tatayyur masdaru tatayyara. Ay التشاؤم بمعنى بالشيء التشاؤم بالمرء بالشيء المرئي أو المسموع. Donc qu'est-ce que ça veut dire التطير؟ Ça vient en fait qu'est-ce qui le chapitre signifie? Le titre du chapitre signifie qu'est-ce qui a été mentionné comme menace au sujet de التطير. Et التطير ça vient du verbe تطير et ça veut dire يعني de faire preuve de pessimisme, de croire que quelque chose prête mauvais augure ou amène un mauvais présage ou bien amène quelque chose de négatif. Donc ça a un rapport aussi avec le fait d'être pessimiste. Il y a beaucoup d'exemples de ça et on va en parler, on va donner des exemples aussi, puis on va revenir sur l'exemple que les exemples que le cheikh avait mentionnés dans I'anatul Mustafid pour aider à clarifier ce chapitre parce que c'est très important. Il y a beaucoup de superstitions qui se propagent dans les sociétés musulmanes et dans les pays musulmans. Et même en Europe et en Amérique, les gens ils ramènent ça avec eux. Et donc ils ramènent ça et ils enseignent ça à leurs petits-enfants et amis. Et les enfants grandissent avec ces superstitions-là, et leurs parents leur disent, il faut pas faire ça, ça ramène du mal, ça porte malchance, ça amène des mauvais augures, alors qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, pour la plupart de ces choses-là. Donc, ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle at-tatayyur, des mauvais augures, des mauvais présages, des superstitions, et ça rentre aussi là-dedans le fait d'être pessimiste, et de penser que, toujours les choses sont négatives et les choses vont amène du mal ou des choses comme ça. Donc il y a des gens qui ont cette mentalité là, ils sont ils sont très nombreux à avoir cette façon de penser là. Donc le cheikh il explique ensuite les mots dans les versets qui sont cités. Il dit ala adatu tanbih. Ah oui, c'est donc comme je disais, c'est de faire preuve de pessimisme et de croire que des choses qu'on entend ou des choses qu'on voit peuvent nous prêter des mauvaises augures ou amener de la malchance ou des choses comme ça. Ensuite, il dit ala adatu tanbih. إنما أداة حصر وطائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسوله ورسله أي نعم لا يعلمون ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون وصف لهم بالجهالة وعدم العلم وأنهم لا يدرون. Donc le cheikh explique le verset ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Certes leur mauvais présage est venu uniquement dans selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait prédestiné, hein, et du fait également par la cause qu'ils ont mécru, hein, et qu'ils ont traité de mensonge les signes d'Allah de même que ses messagers. Donc c'est de là que viennent le mal qui les atteint, et non pas des mauvais présages ou non pas de Moussa lui-même, hein, comme ils s'imaginent. C'est quelque chose qui leur avait été prédestiné et qui est une punition en fait pour leur mécréance et le fait d'avoir traité les messagers de mensonges. Walakin aktharun nas la ya'lamun, yani non, dans le verset ici c'est walakin aktharuhum la ya'lamun, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est une description que Allah subhanahu wa ta'ala fait d'eux qui les décrit en mentionnant qu'ils sont des gens qui sont dans l'ignorance et qui n'ont pas de science et qui ne savent pas. D'accord? Donc ça c'est pour le premier verset. Wa ta'irukum, ça c'est dans le deuxième verset. Ensuite il dit wa ta'irukum qalu ta'irukum ma'akum ay hazzukum wa ma lalakum min shar ma'akum ay bi sababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum. ومخالفتكم الناصحين أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرنا ذكرناكم وقابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم بل أنتم قوم مسرفون عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم الشؤم والصرف يعني والصرف الفساد وهو مجاوزة الحد في مخالفة الحق. Donc le cheikh il explique ici يعني quand dans sourate Yassin le verset 19, quand les gens ont répondu à leur messager قالوا طائركم معكم, non ça c'est les trois messagers qui ont répondu ça à leur peuple, parce que eux ils ont accusé les messagers d'être la source du mal qui les atteint, et que ce sont eux qui leur amènent du mauvais présage. Ils ont dit inna tatayyarna bikum, hein? Donc là les messagers leur ont répondu en disant qalu ta'irukum ma'akum, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous arrive, hein? Et votre sort, qu'est-ce qui vous a atteint comme mal. Et qu'est-ce qui vous a atteint comme chose mauvaise? Eh bien, ça, c'est avec vous. Dans le sens que, c'est de vous-même. Dans le sens que, c'est à cause de vos actions et de votre mécréance. Et du fait que vous avez contredit, hein, les gens qui donnent le bon conseil. A'inzukirtum, c'est-à-dire, hein, parce que vous avez réagi de cette manière lorsqu'on vous a rappelé. lorsqu'on vous a rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir, vous nous avez répondu par votre parole, vous, on vous prend avec mauvaise augure, on pense que vous nous amenez du mal, c'est à cause de vous que le mal nous atteint, ainsi de suite. Et donc ça c'est pour expliquer en fait, parce qu'on voit que dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ala innama ta'iruhum indallah » Et dans le deuxième verset, il dit « Qalu inna qalu ta'irukum ma'akum » Donc, dans le premier verset, ça dit « Votre yani, ta'irukum, vos mauvais présages, sont auprès d'Allah, en fait. » Et dans le deuxième, ça dit quoi? Les messagers ont répondu « vos mauvais présages et le mal qui vous arrive, ça vient de vous-même. » Donc, comment comprendre ces deux versets-là? C'est que dans le premier verset, comme le cheikh il l'a expliqué ici, « Pa'iruhum », c'est qu'est-ce qui a été prédestiné sur eux à cause de leurs actions, à cause de leurs mécréances. Et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est dans le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il a prédestiné? Et il l'a prédestiné pour eux dans sa création, parce qu'ils ont mécru et qu'ils ont traité les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers de menteurs. Et dans l'autre verset, ta'irukum, qalu ta'irukum ma'akum, vos mauvais présages sont avec vous-même, c'est-à-dire le mal qui vous a atteint, il vient de vous-même à cause de vos actions. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets, en fait. C'est pour faire comprendre ça. C'est que quand il dit ta'iruhum indallah, ça veut dire de qu'est-ce que Allah a prédestiné pour eux à cause de leurs œuvres. Et dans le deuxième verset, ta'iruhum ma'akum, vos mauvais présages sont avec vous, c'est à cause de vos actions que Allah subhanahu wa ta'ala vous a frappé de ces différents châtiments qui vous ont atteint. Et donc il n'y a pas de contradiction, puisque les deux retournent au qadar. Et c'est le résultat de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait subir à cause de leurs actions. D'accord? Donc ensuite il dit bal antum qawmun musrifun, c'est-à-dire vous êtes des gens qui dépassez la limite dans la désobéissance et dans la contradiction des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des gens outranciers. Donc ça c'est des exemples de ce que ça signifie. Quand il dit ça, vous êtes des gens outranciers, vous êtes des gens qui dépassaient la limite dans la désobéissance des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, donc c'est ça. Ça vient de as-sarf, qui veut dire la corruption, et de fait de dépasser la limite. Donc musrifoun, c'est de là que ça vient. Donc votre mauvais présage, ça vient de ça. Ça vient de al-israf, que vous faites dans la désobéissance. Et le sens général de ce verset, donc le cheikh il va l'expliquer, il va résumer ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il dit al-ma'na al-ijmali lil ayatayn. الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه بشؤمهم رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه والآية الثانية أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء ثم ادعى أن سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم بسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء ولكنهم قوم متمادون في المعاصي فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء. Donc le cheikh explique les deux versets ici. Il dit que yani, le premier verset, il signifie que lorsque le peuple de Pharaon ont été frappés par qu'est-ce qui les a frappés, hein, le fait qu'ils ont été frappés par la famine et par yani, comme on dit, la famine et par les prix qui sont élevés, et donc ils ont dit que c'était à cause de Moïse, à cause de Moussa alayhi salam et de ses compagnons. Et donc ils ont pris un mauvais augure en Moussa et en ceux qui étaient avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant que ce qui les a frappés, hein, de mal, c'est dans le mal qu'ils ont subi, c'était uniquement par qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et par sa prédestination et son décret, à cause de leur mécréance. Et donc, ensuite, il les a décrits, la plupart d'entre eux, comme étant des gens qui sont dans l'ignorance et qui ne possèdent pas de science. Et s'ils avaient vraiment compris, et s'ils avaient vraiment réfléchi, ils auraient su que ce que Moussa alayhi salam a ramené, c'est meilleur pour eux, et que c'est uniquement du bien et de la bénédiction et du succès pour celui qui a cru et qui l'a suivi. Tandis que le deuxième verset, il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les gens qui ont traité les messagers de mensonges, de menteurs, et il les a frappés de différents malheurs à cause de ça. Puis, eux, ils ont essayé de prétendre que le mal qui les touchait, c'était à cause de ces messagers-là, hein, et que ça venait des messagers. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que la cause de ce malheur, ça venait uniquement d'eux-mêmes et non pas des messagers. C'était à cause de leurs actions et de leurs mécréances, et non pas à cause de leurs messagers comme ils le prétendaient. Et donc, il aurait été préférable pour eux et plus propice, hein, ou bien plutôt convenable pour eux d'accepter la parole des messagers qui venaient leur donner la nasiha et le conseil, et de se soumettre, hein, aux messagers et d'obéir aux messagers dans le but d'être exemptés justement de ce malheur qui les a frappés. Mais ce sont des gens qui sont outranciers et qui dépassent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont été frappés par ce mal qui les a frappés et par ce malheur. Wa munasabatul al-ayatayn lil-bab anna Allah dhakara anna at-tatayyur min 'amal al-jahiliyyah wal-mushrikeen wa qad dhammahum Allah ta'ala wa maqatahum. Donc le cheikh, il dit que pour quelle raison on a mentionné ces deux versets dans ce chapitre? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les mauvais présages comme étant les actions des gens de la jahiliya, les gens qui croient en ça et qui ramènent les choses qui se produisent dans le monde comme étant des sources ou qui d'être à l'origine, que c'est le mauvais présage qui est à l'origine du mal et des choses de ce genre, que ça fait partie des croyances des gens de la jahiliya, et que ça fait partie des gens des croyances des mushrikines, et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés à cause de ça, et il les a détestés, hein, à cause de ça. Et il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer de bienfait dans ces deux versets-là. Il dit ma yustafadu min al-ayatayn al-ula awwalan. Il dit anna at-tatayyur min 'amal al-jahiliyya wal mushrikeen. Donc premièrement, at-tatayyur, ça fait partie des actions de la jahiliya et des mushrikeen, hein, de se baser sur les mauvais présages et de croire en ces choses-là, les mauvaises augures et les superstitions, ou d'être des choses de ce genre. Ça, ça fait partie des actions et des comportements des gens de l'ignorance de la période pré-islamique et également des actions des mouchriquins. إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما. Deuxièmement, c'est d'affirmer le décret et la prédestination, ainsi que la foi en ces deux choses-là. Il faut croire au décret d'Allah et en sa prédestination, et savoir que tout ce qui arrive, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est prédestiné selon sa sagesse, selon sa sagesse et sa science. Donc, il faut croire en ça. Il ne faut pas croire aux mauvais augures et aux mauvais présages ou des trucs de ce genre. Ensuite, il dit ثالثاً أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات. Il faut savoir que également, donc comme j'ai dit, que qu'est-ce qui a été prédestiné et qu'est-ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut y croire. Et le point numéro 3, c'est que les malheurs qui nous atteignent sont à cause de nos péchés et de nos désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a décrété et a prédestiné ce qui nous arrive selon sa sagesse, selon sa sagesse, pour une raison. Et donc s'il y a un malheur qui nous atteint, c'est parce qu'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous punir et c'est pour nous purifier aussi en même temps, si on est des mu'minines et qu'on a cru en Al-Qadar et qu'on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dans ce cas là c'est une purification pour nous de nos péchés et une expiation aussi. Ensuite, il dit le cheikh, le point numéro 4, في الآية الأولى ذم الجهل لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله ومن ثم الوقوع فيه. Le cheikh, il dit dans le point numéro 4, dans le premier verset, il y a la critique et le blâme de l'ignorance et l'explication que c'est quelque chose qui mène à ne pas connaître le shirk et à ne pas connaître ses causes et les choses qui amènent au shirk. Donc l'ignorance, c'est très dangereux. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas le shirk, qui ne connaît pas les choses qui sont reliées au shirk, eh bien c'est facile pour lui de tomber dans le shirk. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme l'ignorance. Et c'est ça. Puisque l'ignorance, c'est qu'est-ce qui fait que les gens tombent dans le shirk facilement. Le point numéro 5, خامساً, وفي الآية الثانية وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبولها من صفات الكفار. Le point numéro 2, l'obligation d'accepter la nasiha, parce que de ne pas l'accepter, ça fait partie des caractéristiques des kuffars. De ne pas accepter la nasiha, ça fait partie des caractéristiques des kuffars. Et ensuite, comme point numéro 6, le dernier point, أنما جاءت به الرسل فهو الخير والبركة لمن اتبعه. Donc il explique le point numéro 6, le cheikh, il dit que ce qui a été amené par les messagers, c'est uniquement le bien et c'est uniquement la baraka pour celui qui l'a suivi. Donc c'est pas vrai qu'est-ce que les koufars prétendaient, que c'est les messagers qui amenaient le mal ou le mauvais présage. La réalité, c'est le contraire. Les messagers n'amènent que le bien et que la baraka pour ceux qui l'ont suivi. Et le mal vient de la désobéissance des hommes qui ne veulent pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, ce chapitre est un chapitre très grand, très important, et il y a beaucoup de choses qui sont rapportées au sujet de ce sujet-là dans ce chapitre. Donc on va continuer dans le prochain cours, Inch'Allah, à lire qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été rapporté dans les hadiths et ainsi de suite. Et puis donc, Inch'Allah, on va pouvoir clarifier encore un peu plus les détails à ce sujet-là, puis donner des exemples. Puis on va aussi lire peut-être des parties du Sharh de I'anatul Mustafid pour essayer de clarifier encore plus le sujet. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera la semaine prochaine, bi'ivnillah, dimanche prochain, bi'ivnillah. Donc, aujourd'hui c'est le cours 37. Donc le prochain cours c'est 38, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.